Allô, Terre, appelle Fusée Lunaire. Explorer de nouveaux mondes étranges. Fusée Lunaire, répondez, répondez. Découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Sur France Inter. Comment ne pas être fasciné par la force la plus inexorable de l'univers? Le temps d'un bivouac. Le temps d'un bivouac. Alors nous sommes allés voir. Daniel Fievé. Si le nombre de civilisations extraterrestres en mesure de nous visiter aujourd'hui est grand, comment se fait-il que nous n'en ayons jamais perçu aucun signe, ni reçu aucune visite? Voici résumé ce que l'on nomme le paradoxe de Fermi, du nom du physicien italien Enrico Fermi, prix Nobel, qui en 1950 a tenté d'évaluer le nombre potentiel de civilisations extraterrestres en mesure d'entrer en contact avec nous. Et contre toute attente, le nombre qu'il a obtenu est particulièrement important. Alors il s'est interrogé, comment expliquer que nous n'ayons jamais eu la moindre visite ni reçu le moindre signe. Le paradoxe de Fermi en a fait gamberger plus d'un et depuis sa formulation, nous n'avons cessé de tendre l'oreille. Plusieurs programmes de recherche ont tenté de capter d'éventuels signaux artificiels en provenance de planètes lointaines. Nous avons aussi lancé quelques sondes, émis quelques messages, tels des bouteilles à la mer spatiale. Jusqu'ici, pas de nouvelles. Mais nous ne baissons pas les bras et pour notre dernier bivouac cosmique, nous partons à la recherche de civilisations extraterrestres intelligentes. Mes amis, je ne sais où nous allons. Sur France Inter. Je ne sais si nous reverrons jamais le globe terrestre. Daniel Fievé. Nous sommes transportés dans l'espace. Le temps d'un bivouac. Observe. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac cosmique. Et bonjour Roland Lehoucq. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et vous êtes passé maître dans l'art d'utiliser la science-fiction pour vulgariser la physique et l'astrophysique. Et vous avez participé à la rédaction du livre intitulé « Où sont-ils ? Les extraterrestres et le paradoxe de Fermi ?» Livre dans lequel, avec plusieurs scientifiques de diverses disciplines, vous discutez de l'hypothèse de l'existence de civilisations extraterrestres intelligentes et de la possibilité d'entrer un jour en contact avec elle. Vous allez nous livrer le fruit de vos réflexions et les auditeurs vont pouvoir entrer en contact avec vous via la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. À 17h, nous recevrons l'écrivain grand voyageur Olivier Blaise qui a entamé un tour du monde à pied, à sa façon, par petites étapes. Voilà pour les aventures du jour. Cette émission est réalisée par Clément Nouguier. Elle a été préparée par Juliette Soudarin et Sophie Vaux. Beau, mais le son. Les premiers signes ont fait leur apparition dans les années 70 avec le regain d'intérêt pour la vie extraterrestre. Ils cessèrent au début des années 80 et furent considérés comme des canulars. Ce à quoi on assiste aujourd'hui est tout à fait différent. Le nombre de signes et la rapidité avec laquelle ils sont apparus impliquent l'intervention de plusieurs centaines de personnes dans de nombreux pays. Il n'y a que très peu d'explications possibles. Soit il s'agit du canular le plus élaboré qui ait jamais été imaginé, soit c'est bel et bien une réalité. Des extraterrestres. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? Extrait du film Signe, des extraterrestres qui débarquent sur notre planète. La fiction l'a imaginé à d'innombrables reprises, mais jusqu'à preuve du contraire, l'événement ne s'est encore jamais produit. Et selon le physicien Enrico Fermi, qui a vécu au siècle dernier, il y a là un paradoxe. Qui était Enrico Fermi, Roland Lehoucq ? Alors Enrico Fermi, c'est un très grand physicien du XXe siècle, comme vous l'avez dit, qui a été prix Nobel de physique en 1938. Il a travaillé beaucoup sur la physique atomique, et notamment sur la radioactivité bêta. Et c'était un grand esprit de la physique, un grand esprit de la physique du XXe siècle, mais aussi quelqu'un qui avait beaucoup d'humour et qui a utilisé ses compétences en physique, ou du moins défier d'une certaine façon ses collègues ou tout esprit curieux de science en posant des questions qu'on appelle maintenant des questions de Fermi, en disant par exemple une question de Fermi typique, une de celles qu'il aimait à donner ou à citer, c'est combien y a-t-il d'accordeurs de piano à New York? Alors évidemment, devant une question comme ça, vous dites, il n'y a qu'à regarder le bottin et les compter. Oui, mais Fermi, c'est pas ça la réponse qu'il veut, c'est est-ce qu'on peut, avec ses connaissances naturelles, des quelques rudiments de mathématiques, des multiplications, des additions, des petits raisonnements, et puis des estimations éduquées, en ayant quelque chose de plausible, trouver le nombre, estimer un ordre de grandeur, c'est ça que les physiciens appellent un ordre de grandeur du nombre d'accords de piano à New York. Alors une autre question du même genre, mais qui est plus concrète, là, qui est aussi très marrante, c'est vous avez un stylo dans la main, vous l'avez, vous pouvez le constater, le regarder, vous dites quelle distance je peux écrire avec, quelle longueur, quel trait, quelle la longueur du trait que je peux faire. 100 mètres, 10 mètres, 1 km, 1000 km, voilà, l'ordre de grandeur, ça sera ça. Est-ce sera 1 km ou 100 km. Et il était très fort justement pour tomber juste sur ce genre d'estimation. Oui, alors il était, comme beaucoup de physiciens, hein, incidemment, mais lui, il a vraiment popularisé ce genre-là, il avait beaucoup de goût pour ce genre de questions. Et il a ce goût-là lui a servi dans cette année 1950. C'est rapporté par des discussions, donc ça n'a jamais été rédigé explicitement et ça n'a jamais été rapporté, disons, dans un article. Dans une discussion, en un déjeuner, il a estimé le temps qu'il faudrait à une hypothétique civilisation extraterrestre avancée qui envisage le voyage interstellaire, le temps donc qu'il lui faudrait si elle entreprend de se répandre dans la galaxie, dans notre galaxie, la Voie lactée. La durée de cette expansion. Alors comment il raisonne pour répondre à cette question? Alors il raisonne d'abord, il fait deux hypothèses. Il faut bien voir qu'on va les expliciter. Il fait deux hypothèses. D'abord, qu'il existe une civilisation extraterrestre avancée. Première hypothèse, qu'il en a existé une, peut-être elle est fausse. Qu'il en existe une avancée suffisamment pour envisager le voyage interstellaire et qu'elle ait envie de se lancer dans le voyage interstellaire. Donc, deuxième hypothèse, c'est pas tout d'avoir la technique, encore faut-il avoir l'envie de l'utiliser pour faire un voyage interstellaire. Les distances entre les étoiles sont considérables, on pourra en parler, et les voyages interstellaires, c'est probablement pas facile à faire en pratique. Bon, si ces deux hypothèses sont là, alors il en déduit comment elle va faire, même avec des vitesses de voyage assez faibles, par exemple un dixième de la vitesse de la lumière, alors je dis faible, c'est 10 fois plus lent que la lumière, ce qui fait que aller de la Terre à l'étoile la plus proche, l'étoile la plus proche, c'est le Soleil. À la deuxième étoile la plus proche, Proxima du Centaure, qui est à peu près 4 années-lumière, ça veut dire une 40aine d'années, ouais, à 1/10 de la vitesse de la lumière. Voilà l'ordre de grandeur de la durée du voyage, c'est pas si long. 1/10 de la lumière, c'est 10 fois moins que la lumière, mais c'est aussi beaucoup plus rapide que les vaisseaux dont nous disposons actuellement. Typiquement, 1000 fois plus rapide, enfin, quelque chose comme ça. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Bon. Ils sont capables de faire un voyage interstellaire à 1/10 de la lumière. Ça veut dire un peu rapide par rapport à nous, mais pas extraordinairement rapide. C'est pas 90% de la vitesse de la lumière. Alors, il estime, la civilisation part de l'endroit où elle est. Elle envoie 2 vaisseaux vers 2 planètes proches, les plus proches, qui lui paraissent acceptables, vivables pour elle. Elle s'y installe, croissée et multipliée. Elle reste là une durée qu'il estime à 1 millier d'années, lors du 1 millier d'années, pour prendre, entre guillemets, possession, coloniser la planète. Et puis, au bout de ces 1000 ans, on recommence. Chaque endroit, on renvoie 2. Et puis, comme ça, on progresse. Ça a l'air très lent. Des voyages qui se chiffrent en dizaines d'années, peut-être même 1 siècle, ouais, de durée entre 2 étoiles. Lors du 1 millier d'années en restant sur place. Et donc, à ce rythme-là, eh bien, il estime qu'il faut quelques dizaines de millions d'années, peut-être 100 millions d'années pour visiter toutes les étoiles, une grande fraction des étoiles de notre galaxie, des 150 milliards d'étoiles de notre galaxie. Ouais. Alors, encore une fois, 100 millions d'années, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Évidemment, à l'échelle humaine, 100 ans, 100 millions d'années, c'est énorme. À l'échelle du Soleil, notre Soleil est là depuis 4,5 milliards d'années. La vie existe sur Terre depuis 3,8 milliards d'années au moins. Il y a des espèces qui ont duré, comme les dinosaures, lors de la 100aine de millions d'années. Notre Soleil fait un tour de la galaxie en 250 millions d'années. Notre galaxie existe depuis 10 milliards d'années. Donc 100 millions d'années, c'est une très grande durée au regard des durées humaines, mais c'est une durée, disons, raisonnable au regard des durées cosmiques. Et puis, il imagine donc que si ces êtres ont existé dans le passé, ben ils ont finalement assez vite, à l'échelle galactique, assez vite rempli la galaxie. Ils ont peut-être disparu ici, réapparu là, mais à la fin, ils ont peut-être laissé des traces dans de nombreuses planètes dans donc, la galaxie. Conclusion, et donc, si une seule de ces civilisations aurait existé, elle aurait tenté le coup et aujourd'hui elle serait là. Si une seule existait techniquement capable et qu'elle ait tenté le coup, alors elle aurait dû se répandre partout. Or, on ne voit rien, donc il n'y en a pas. Où sont-ils? Voilà la façon dont est formulé le paradoxe de Fermi. Il y a d'autres façons justement de réfléchir à ce paradoxe de Fermi. Par exemple, Alexandre Astier de Camelot, qui s'était intéressé au paradoxe de Fermi dans son exoconférence, a lui aussi son avis sur le paradoxe de Fermi. Mais moi, le paradoxe de Fermi, je le trouve bizarre. Je sais que Fermi est un homme brillantissime. Le problème, c'est que je ne comprends pas comment est-ce que son paradoxe peut être mis en scène dans un monde où on ne cherche pas uniquement une intelligence technologique. C'est-à-dire qu'on part du principe que la logique est fondée sur l'absence de voyage d'exploration d'une autre espèce. Mais encore faudrait-il que l'exploration ait un sens sur une autre planète. Pourquoi est-ce que l'exploration serait universelle? Pourquoi est-ce que la curiosité serait universelle? Pourquoi est-ce que l'humour, par exemple, ne serait pas universel? Ça, par exemple, personne ne s'attend à ça. Les mecs sont ultra fun. Ça, on en parle, non, ça, c'est pas dans le projet. Non, c'est nous en un peu mieux, encore une fois. Mais le paradoxe de Fermi, encore une fois, il n'envisage pas du tout le fait qu'on n'ait pas notre mentalité. Or, j'insiste, on sort dehors, on chope une coccinelle sur un toit, elle n'a pas notre mentalité et elle est là. Je ne vois pas pourquoi, à des milliards d'années-lumière, les mecs fabriqueraient des vaisseaux. Je ne vois pas pourquoi. Alexandre Astier, interviewé par Patrick Beau dans une vidéo disponible sur sa chaîne Axolot, chaîne YouTube, bonus chasseur de monde, c'est le titre de cette vidéo. Que pensez-vous de cette éventualité, Roland Lehoucq? Ils sont là, ces civilisations ultra-intelligentes sont là, mais pas curieuses et pas exploratrices pour un sou. Bien sûr, on l'a bien dit tout à l'heure, il y a deux hypothèses dans le raisonnement que mène Fermi. La première, c'est qu'il a existé dans le passé au moins une civilisation extraterrestre suffisamment avancée pour faire un voyage interstellaire. Après, il faut, deuxième hypothèse, qu'elle l'ait entrepris, qu'elle ait eu envie de l'entreprendre. Et donc, la discussion que mène Astier sur cette question, elle est tout à fait en train de discuter ces hypothèses. Peut-être que les hypothèses de départ sont fausses. Le paradoxe, je dis paradoxe, c'est entre guillemets, il faut dire paradoxe. Il est fondé sur ces deux hypothèses. Si elles sont vérifiées, ce qu'il faudrait vérifier, c'est pas du tout facile, alors on aboutit au raisonnement déductif, donc imparable, de Fermi. Simplement, encore faut-il que ces hypothèses soient vérifiées. Donc peut-être, effectivement, des extraterrestres existent, une vie intelligente existe ailleurs, mais elle n'est pas technique, elle a une autre forme d'interaction avec la nature qui n'est pas d'ordre technique comme la nôtre, ou alors elle a ça, mais elle ne veut pas faire de voyage, ou elle a ça, mais elle a fait un voyage et ça a raté, Elle est venue et ça lui a pas plu, elle est restée. Elle a commencé, puis ça s'est effondré pour une raison ou pour une autre, ou ça s'est arrêté pour une raison ou pour une autre. Bref, on peut imaginer plein de solutions possibles qui battent en brèche les deux hypothèses imaginées au début. Et certaines sont pour le moins farfelues, mais elles ont été données. Par exemple, certains disent, mais en fait, ils sont déjà là, ou alors ils nous regardent de loin façon zoo, sans intervenir, parce qu'ils trouvent qu'on n'en mérite pas, qu'on n'en vaut pas la peine. Absolument, il y a plusieurs livres qui ont été publiés sur les réponses possibles. Les discussions possibles des hypothèses de la proposition de Fermi, effectivement, c'est sans fin. On peut comme les classer en deux grandes catégories. Il y en a une qui serait d'ordre technique, par exemple, qui vous dirait si on arrivait à démontrer que le voyage interstellaire est impossible, par exemple, l'affaire est réglée, on risque pas de les voir ici. Bon, ça serait des aspects plus techniques. Et puis, il y a des aspects, alors là, qui sont très difficiles à discuter, bien sûr, parce que ça relève de la sociologie, de la psychologie des extraterrestres. On a déjà du mal avec les humains. Alors, les animaux, c'est compliqué aussi. Alors, je parle même pas d'extraterrestres. Et donc là, on dit, ils sont là, mais ils nous regardent parce qu'on est dangereux, ou on est trop stupide, ou ils veulent pas interférer, ou ils ont pas eu envie, ils sont pas curieux. Donc, plein de raisons qui relèvent plus de la psychologie d'éventuels extraterrestres pour lesquels on n'est pas très éduqué. Oui, alors, laissons de côté la psychologie extraterrestre et interrogeons-nous, alors peut-être sur la possibilité, et ça vous l'avez fait de nombreuses fois dans différents articles, dans différents livres, la possibilité de ces voyages interstellaires. Si l'on s'en tient à ce que l'on sait de la physique aujourd'hui, est-ce que l'on peut imaginer des vaisseaux qui pourraient utiliser une source d'énergie qui leur permettrait de voyager comme ça? Alors là, on parle de distances très importantes quand il s'agit d'aller d'une étoile à l'autre. Absolument. Les distances qui nous séparent, d'abord, il faut réaliser que les distances qui nous séparent d'une des étoiles, même les plus proches, sont considérables. Si on estime ça en durée lumière, c'est-à-dire en durée que met la lumière pour nous parvenir, venir de la Lune, la lumière met une seconde un quart. Venir du Soleil, la lumière met 500 secondes. Venir de Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche après le Soleil, met 4,4 ans. Vous voyez le saut qu'il y a entre 500 secondes, le Soleil, et 4,4 ans, à la vitesse de la lumière de 300 000 km dans le vide, 300 000 km par seconde. Donc une vitesse absolument considérable. Donc les distances qui nous séparent de ces astres, même proches, sont considérables, et les atteindre en des durées humaine, raisonnable, nécessite d'avoir des vitesses considérables. Mmh. Si on prend, par exemple, les sondes voyageurs, on parlait, vous aviez, dans votre introduction, cité des bouteilles à la mer qui ont été envoyées dans l'espace, notamment sur des sondes, les sondes pionnières et les sondes voyageurs. On aura l'occasion d'en reparler 70. Plus tard. Ces sondes voyageurs, leur vitesse terminale, la vitesse qu'elles ont actuellement, elles sont en train de sortir du système solaire, elles sont même sorties du système solaire, elles sont à, typiquement, 120 fois la distance Terre-Soleil du Soleil, donc très lointaine. Ces sondes-là, leur vitesse terminale, c'est 15 km par seconde. Ça veut dire, la vitesse de la lumière, c'est 300 000, donc c'est 20 000 fois plus lent que la lumière. Autrement dit, elles mettront 20 000 fois plus de temps que la lumière pour atteindre, si tant est qu'elle l'ait visée, l'étoile la plus proche. 20 000 fois 4 ans, ça fait 80 000 ans. Donc l'affaire est réglée, vous faites pas un voyage de 80 000 ans. Mmh. Donc pour faire un voyage de 80 ans, il faudrait aller déjà 1000 fois plus rapidement qu'on ne le fait maintenant, 1000 fois plus rapidement. Alors, est-ce que technologiquement, c'est possible d'envisager des voyages de ce type? Quelle quantité d'énergie il faudrait? On a compris qu'il faut aller 1000 fois plus vite. L'énergie de mouvement à communiquer à un vaisseau pour aller vite, elle est considérable, elle varie comme le carré de la vitesse. Si vous allez 1000 fois plus vite, il vous faut 1000 au carré, 1000 fois 1000, 1 million de fois plus d'énergie par kilogramme de vaisseau. Alors quand vous envoyez un vaisseau qui fait, mettons, quelques tonnes ou quelques dizaines de tonnes, parce qu'il va loin, il aura besoin de communication, il aura besoin d'appareils scientifiques, il aura besoin de propulseurs, etc. Un vaisseau de charge utile, quelques dizaines de tonnes, vous arrivez à un vaisseau initial qui va être énorme pour emporter les sources d'énergie qu'il va falloir lui communiquer pour atteindre ces vitesses considérables. Ouais. Et on peut estimer que l'énergie nécessaire à faire un voyage interstellaire lent, un dixième de l'étoile de la lumière, vers l'étoile la plus proche, donc ça fait 40 ans de voyage, pour une charge utile de 1000 tonnes, ça correspond à l'ordre de 10 fois toute l'énergie dont dispose l'humanité en une année entière. Ouais. Autrement dit, c'est pas possible. C'est une question d'énergie. Indépendamment du moteur, vous me posez la question plus technique, oui. On prend un moteur comme ci, un moteur comme ça. Mais on n'a pas le carburant, on n'a pas l'énergie. Vous voulez une très belle maison, ça coûte 1 million d'euros, vous n'avez pas 1 million d'euros, vous n'avez pas la belle maison. Là, c'est pareil, il vous faut 10 fois votre budget énergétique, vous ne l'avez pas, vous ne le faites pas. Si le déplacement physique à l'aide de vaisseaux n'est envisageable pour aucune civilisation aussi intelligente et avancée technologiquement soit-elle, alors peut-être reste-t-il la possibilité de s'envoyer des messages? Pourrait-on entrer en communication avec des formes de vie intelligentes à l'autre bout de la galaxie? C'est ce que nous allons voir avec vous, Roland Lehoucq, dans un instant. Et les questions des auditeurs arrivent sur franceinter.fr. Ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Chérie, réveille-toi. Où sommes-nous? Sur France Inter. Avec qui? Daniel Fievé. Avec Légendaire, quoi. Le Temps d'un Bivouac. C'était Spacer, Sheila sur France Inter. En tirant vers le soleil, on trouve Vénus. Et la Lune, selon toutes les apparences, est habitée. Alors pourquoi Vénus ne le serait-elle pas aussi? Oh, mais en disant toujours pourquoi non, vous m'allez mettre des habitants dans toutes les planètes. Mais n'en doutez pas, ce pourquoi non a une vertu qui peuplera tout, vous verrez. Je ne laisse pas de trouver qu'il serait bien étrange que la Terre fût aussi habitée qu'elle l'est et que les autres planètes ne le fussent pas du tout. Extrait de Entretien sur la pluralité des mondes de Bernard de Fontenelle, ouvrage publié en 1686. Au XVIIe siècle, pour certains en tout cas, il ne fait aucun doute que la Lune est peuplée d'habitants et que Vénus certainement aussi, Roland Lehoucq. Oui, absolument. On a longtemps imaginé que, après tout, puisque la Terre était habitée et qu'il y avait d'autres planètes dans le système solaire qui tournaient autour du Soleil, maintenant que le système est devenu héliocentrique, disons depuis Copernic, Galilée, Kepler, eh bien, que ces autres planètes, il n'y a pas de raison, a priori, qu'elles ne soient pas habitées. D'ailleurs, Giordano Bruno, en 1601, a été brûlé pour avoir prétendu qu'il existait une infinité de mondes qui étaient tous aussi habités. Et donc, finalement, la possibilité de sélénites, de martiens, de vénusiens, etc. Et tout sélénites, c'est sur la Lune. Sélénites, c'est sur la Lune. Oui. Sélénites, c'est sur la Lune. Et donc, il y a même des dessins, des gravures qui essaient de représenter la façon dont pourraient être ces êtres, ces sélénites. Et donc, on voit un genre qui s'appelle Vespertilio Homo, qui ressemble à un homme chauve-souris avec quelque chose qui a de l'homme et de la chauve-souris. Donc, une chimère, finalement, un mélange entre homme et chauve-souris. Ça fait sourire, mais ça a été loin quand même, puisque au 19e siècle, il y a eu des tentatives pour entrer en contact avec ces civilisations. Qu'est-ce qu'on a imaginé alors? Alors, avant d'entrer en contact, la première question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on pourrait se signaler ou est-ce qu'eux pourraient se signaler? Autrement dit, est-ce qu'on pourrait, en observant la Lune ou en observant Mars ou Vénus, voir des traces d'une vie intelligente? Et du coup, à rebours, nous, sur Terre, où on sait qu'il y a de la vie intelligente, en tout cas, on le prétend, comment se signalerait-on? Et alors, en 1826, le mathématicien allemand Carl Friedrich Gauss a suggéré de tracer de très grands triangles rectangles dans les étendues désertiques vides de la Sibérie. Donc, vous tracez des très très grands triangles rectangles, par exemple le fameux triangle 3, 4, 5, qui a un côté qui vaut 3 unités, un côté qui vaut 4 unités, 3 au carré plus 4 au carré, ça fait 5 au carré, c'est le fameux théorème de Pythagore, et donc l'hypoténuse fait 5 unités. Évidemment. Vous mettez 3 km, 4 km, 5 km, mais c'est peut-être pas assez grand, vous faites 300 km, 400 km, 500 km, c'est un très grand triangle que vous avez tracé, vous le voyez depuis la Lune, et vous dites, ah ben, les sélénites vont dire, ah, un triangle rectangle, ça c'est quand même extraordinaire, c'est la preuve qu'il y a des intelligences terrestres. C'est bien une idée de mathématicien, ça. Oui, c'est une idée de mathématicien, mais ça a été repris, ces formes mathématiques, ou du moins ces objets, essayer de trouver quelque chose, c'est la question qui est derrière, on pourra en discuter après, j'imagine, c'est... Pour se signaler, il faut essayer de se distinguer du fond, de ce qui se produit naturellement. Montrer qu'il y a de l'intelligence. Si vous faites un dessin de nuage à la surface du sol, peut-être ça sera confondu avec un vrai nuage, enfin j'ai caricature, mais il faut faire quelque chose qui ait l'air artificiel et en même temps qui soit la manifestation d'une intelligence. Alors, une autre possibilité, il y a le directeur de l'observatoire de Vienne, qui s'appelait Joseph von Littrow, il a proposé, on lui prête en tout cas l'idée, de creuser dans le désert du Sahara d'immenses canaux circulaires remplis d'eau sur lequel on fait flotter du pétrole, on y met le feu. Alors là, c'est plus pratique. La nuit, vous voyez des grands cercles lumineux dans le Sahara et des cercles alors, tracés avec une telle précision qui sont parfaitement circulaires, des très beaux cercles. Vous dites, des très beaux cercles dans la nature, est-ce qu'il en existe vraiment? Est-ce que des aussi grands, c'est possible? Et prétendument, ça aurait exalté les sélénites. Alors, c'était des idées, ça n'a pas été réellement mis en œuvre. Voilà, ça n'a pas. On ne sait même pas si c'est des idées qu'ils ont effectivement émises, on leur prête ces idées. Ouais. Ça n'a jamais été... écrit explicitement. Mais par contre, sur cette question de communication, évidemment, là, il y a la fois la façon de se signaler, mais il y a la façon aussi de détecter un signe d'éventuel sélénite ou martien, et puis éventuellement d'échanger, de discuter avec eux. Mmh. Alors, en 1891, il y a une riche dame, s'appelle Anne-Émilie Goguet, elle a créé un prix spécialement pour ça, qu'elle a doté d'une belle somme, 100 000 francs de l'époque, et elle récompensait quiconque serait capable de communiquer avec une autre planète et de recevoir une réponse, avec un bémol, sauf la Lune et Mars, parce que c'est vraiment trop facile, en gros. C'était trop facile, et puis on le sait déjà. Donc c'est les autres, celles où on ne sait pas. Vous voyez que ça avait quand même très ancré dans la tête que les autres planètes du système solaire étaient habitées et qu'il y avait seulement à trouver finalement le moyen le plus approprié pour discuter avec ces êtres. Alors plus on a commencé à explorer et à comprendre, plus on s'est rendu compte qu'autour de nous, c'était plutôt désertique. En tout cas, pour les civilisations intelligentes, il faudra repasser. Alors on a envisagé, avec des techniques peut-être un peu plus sophistiquées et un peu moins aléatoires et hasardeuses, d'aller sonder le cosmos. On utilise beaucoup les ondes radio. Pourquoi les ondes radio ? Alors, ça a des vertus de propagation à grande distance. Les ondes radio, c'est des ondes électromagnétiques, c'est donc de la lumière. On pourrait dire on n'a qu'à utiliser une lampe de poche ou une super lampe de poche, si on veut discuter loin. Mais l'avantage des ondes radio, c'est que si vous voulez communiquer à grande distance, certes, le milieu entre les étoiles, le milieu interstellaire est vide, on le dit couramment. En fait, il n'est pas tout à fait vide, il contient une matière très, très, très diluée. Mais sur des très grandes distances, des années-lumière, des dizaines, des centaines d'années-lumière, cette matière finit par être opaque à la lumière visible. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on ne voit pas à travers les nuages à l'intérieur desquels se forment les étoiles, où on ne voit pas en lumière visible les régions centrales de notre galaxie, par exemple. Donc les ondes radio ont cette vertu de pouvoir d'abord être facilement émises à grande intensité et en même temps de pouvoir se propager à grande distance sans être absorbées par le milieu interstellaire. Alors pour être tout à fait exact, les astronomes utilisaient ces ondes radio pour observer l'espace. Hein, c'est de la radioastronomie. Mais tout de même, c'est arrivé qu'il y ait un doute sur le signal reçu, qu'on se dise, tiens, là, le signal, justement, on parlait tout à l'heure de ces formes de signaux dont on se dit ils semblent artificiels. Et c'est arrivé le passé ? C'est arrivé, alors, une chose qui est arrivée, qui a surpris, mais probablement pas plus qu'une heure ou deux, les découvreurs, c'est, ou la découvreuse, plus exactement, c'est Jocelyn Bell, qui en 1967, alors qu'elle était en train de travailler en Angleterre, elle étudiait le ciel avec ses ondes radio, elle a découvert ce qu'on appelle désormais les pulsars. Des pulsars, on sait maintenant, et ça a été rapidement compris par Jocelyn Bell et par son directeur de thèse. D'ailleurs, c'est son directeur de thèse qui a eu le prix Nobel et pas elle. Elle a eu ensuite un Breakthrough Prize récemment avec, bon bref, il y a eu toute une histoire et maintenant elle a été enfin reconnue pour ses mérites réels. Et donc, ils ont rapidement compris que ces pulsars étaient des objets astrophysiques, des étoiles à neutrons en rotation rapide, pour donner les choses très vite. Mais le signal tel qu'il se manifestait, c'était des bips radio, c'était pas un son qu'on entendait, mais ça se traduisait, si on traduisait le signal radio en son, des bips très réguliers, avec une période très courte qui était de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes et qui était extraordinairement régulier, comme aurait pu être quelqu'un qui envoie du morse, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, comme ça. Alors ça, c'est très frappant. Et d'ailleurs, la première, le nom qu'ils ont donné à ces premières sources, les trois premières, c'est LGM 1, 2, 3, LGM pour Little Green Man 1, 2, 3, qui est plus probablement une sorte d'humour qu'ils ont voulu manifester en choisissant ce nom que leur croyance réelle dans la possibilité d'une vie extraterrestre. Petit homme vert, ils ont quand même appelé Little Green Man, petit homme vert. Ah oui, mais c'était pour rigoler, aussi un clin d'œil à l'idée que c'était surprenant, ce signal était très surprenant. Alors on en est revenu, mais on est quand même toujours à l'affût de ce signal artificiel éventuel en provenance du cosmos. C'est une des activités du programme SETI. S'il y a sur Terre un portail d'entrée, c'est ici, à Mountain View, Californie. SETI, recherche d'une intelligence extraterrestre, est le programme le plus audacieux à ce jour en termes de recherche et d'identification d'extraterrestres. Des dizaines de cerveaux cherchent à comprendre l'histoire de milliards d'années d'évolution. Ils étudient la mutation de la vie sur Terre, de l'atome à la biologie, pour savoir s'il y a de la vie ailleurs. Il y a des astronomes, des biologistes, des chimistes et des géologues. Quand on dirige nos antennes vers un système stellaire proche, où l'on soupçonne la présence d'une planète dotée d'une vie intelligente, on tente de trouver les preuves de l'existence d'une technologie dans un autre monde. On recherche des signaux que la nature ne pourrait pas produire. Roland Lehoucq, en quoi consistent ces travaux du programme SETI exactement ? Est-ce qu'ils sont considérés comme sérieux dans la communauté scientifique ? Oui, bien sûr, ils sont faits par des scientifiques, ils sont faits avec la volonté et les méthodes de la science, donc ils sont de ce point de vue-là tout à fait sérieux. Après, on peut douter de leur pertinence, hein, au sens de est-ce qu'ils vont effectivement capter un signal, parce que ça suppose soit que qu'une intelligence extraterrestre existe et qu'elle utilise la radio et qu'elle les mette vers nous, ou qu'on soit capable de capter des fuites de ces discussions. Mais on capte, on vise des endroits précis dans l'univers où on se dit, tiens, là, ça pourrait être une zone à civilisation extraterrestre avancée. Alors, comment on sait où regarder ? Justement, on ne sait pas. Il y a deux possibilités. Soit il y a un signal qui est dirigé vers vous, et il faut viser la source, sinon vous ne l'avez pas. Donc là, dans le programme SETI, il y a une première action qui est de dire, eh bien, on va viser un certain nombre d'étoiles, parce qu'on sait qu'elles ont des exoplanètes, parce qu'elles ne sont pas trop lointaines non plus. Mm-hmm. Ce signal, il s'atténue avec la distance, il est perturbé, parasité par la distance. Et donc, d'une certaine façon, observer une étoile à 1000 années-lumière, bon, regardons celles qui sont à 10 années-lumière, elles sont déjà beaucoup plus proches, et ça va nous aider, si tant est qu'un signal soit émis d'elles. Donc, première chose, on va viser des étoiles, en imaginant, en espérant qu'éventuellement, il y a un signal qui nous cible. Bon. Deuxièmement, vous écoutez largement, au point de vue géographique, de larges régions du ciel en même temps, plein d'étoiles en même temps, en espérant qu'il y ait des civilisations qui discutent entre elles, ou une civilisation qui est déjà, mettons, imaginez que les humains soient à l'échelle, déjà à l'échelle de la Terre, il y a des tas d'émissions électromagnétiques qui fuitent, qui partent vers l'espace, sans viser personne en particulier. Mmh. Et si les humains se répandaient, allons sur la Lune, il y aurait des discussions entre la Terre et la Lune, régulières. Et s'ils avaient une base ferme sur la Lune, eh bien il y aurait des fuites, et on pourrait capter ces fuites. Mmh. Sauf que là, les fuites ne vous visent pas, elles sont faibles, elles ne vous sont pas destinées, donc du coup, il faut balayer large et être plus attentif. Ouais, mais alors, nous, les ondes radio que l'on émet, nous, à France Inter, elles partent dans l'espace. Ah, bien sûr. Elles pourraient être captées un jour par des extraterrestres, une civilisation très lointaine. Mais pas n'importe où. C'est ça qui est intéressant, c'est pas n'importe où. C'est-à-dire, si on fait remonter la première émission radio digne de ce nom en 1920, disons un siècle, eh bien, cette émission de radio, elle a été émise de la Terre vers la Terre, mais un peu est partie dans l'espace. Pas beaucoup. Et puis, 100 ans après, elle a franchi 100 années-lumière. Mmh. Ça veut dire que si des extraterrestres nous écoutent dans cette sphère de 100 années-lumière, et qu'ils ont des instruments adaptés, inutile de vous dire qu'il faut des oreilles électromagnétiques très sophistiquées, ils pourraient capter cette première émission. Mais s'ils sont à 150 années-lumière, la Terre, tout simplement, du point de vue électromagnétique, n'existe pas, puisque le signal, le premier signal radio, disons, émis, n'a parcouru, depuis 100 ans, que 100 années-lumière, puisque se déplace ce signal radio à la vitesse de la lumière. Donc, il y a une manière de sphère d'information autour de chaque planète, et il pourrait y avoir tout à fait des extraterrestres un peu partout, mais qui ont une sphère d'information là de 30 années-lumière, là de 100, là de 50, et que leur distance respective soit plus grande que la taille de leur sphère d'information. C'est une vision absolument tragique. Ça voudrait dire qu'en fait, plusieurs civilisations se côtoient sans jamais se rencontrer dans l'univers. Les bulles n'interagissent jamais entre elles. Ça pourrait être ça. Voilà encore une autre possibilité, non pas de la résolution du paradoxe de Fermi, mais de la possibilité d'existence d'une vie extraterrestre, éventuellement technologiquement avancée, mais dont on ignorerait tout. Alors, c'est pas le tout d'essayer d'établir des canaux de communication, mais dans quel langage s'exprimer pour communiquer avec des êtres vivants hypothétiques dont on ne sait absolument rien. Nous allons aborder la question dans la suite de ce temps d'un bivouac extraterrestre sur France Inter. Pirates of your fun in the burning sun. C'était Yao Inadeyard sur France Inter. Ah, écoute ça. Fais-moi mentir, Fischer. D'accord. Ça peut être un AWACS venu de Kirkland qui brouille le signal, mais j'en doute. Voyons si tu l'entends aussi. Willy, remets-toi dessus et gomme-moi les coordonnées. Est-ce qu'on enregistre ? On n'a jamais arrêté. Merci, Elmer. Le point sur l'AWACS est négatif. Pourquoi pas White Sands ? Sur cette fréquence, non. Alors j'augmente la sensibilité. La réception d'un message envoyé par des extraterrestres. Malgré tous les efforts des scientifiques, cette scène du film Contact ne s'est encore jamais produite. Mais si un jour nous entrions en contact avec eux, quel langage utiliserions-nous ? Des pistes de réponse grâce à la fiction avec Jérémy Querené et sa chronique en partenariat avec le CNES, l'Agence spatiale française. Non, ça va pas du tout, coupez! Arrête ton cinéma. Tu sais parler? Tu comprends parler? Moi, humain. Sur Terre, on discute encore de ce qui fait la spécificité de notre espèce. Et souvent, on invoque notre langage tellement raffiné. Ce qui fait que, quand on découvre une nouvelle espèce animale, on ne tente pas vraiment de discuter avec elle. Mais avec un extraterrestre, c'est différent. Enfin, pas avec tous les extraterrestres, hein. Dans l'espace aussi, il y a d'un côté les bêtes sauvages et de l'autre les êtres évolués. Et c'est bien le langage qui fait la différence. Par exemple, avec la créature d'Alien, on n'a pas vraiment envie de discuter. Parce que ça, c'est plutôt une bestiole. Je comprends rien. Quel est votre but sur Terre ? Mais dans la plupart des cas, quand une rencontre interplanétaire a lieu, on a très envie de discuter avec les extraterrestres. Et si la rencontre a lieu à domicile, on a surtout très envie de savoir s'ils viennent chez nous en touristes ou en envahisseurs. Alors souvent, c'est très pratique, hein. Comme les méchants russes dans un James Bond, les extraterrestres savent très bien parler anglais ou français en VF. Et c'est par correspondance parfois qu'ils apprennent notre langue, tout simplement en captant nos chaînes de télévision. ET, extraterrestre. Essaie de dire ET. ET. Téléphone. En fait, il y a une règle assez simple. Plus l'extraterrestre nous ressemble, plus il apprendra vite notre langue. Mais attention, c'est aussi parfois à nous de faire des efforts, aux humains, d'apprendre à parler l'extraterrestre. C'est ce que fait par exemple le soldat d'Avatar, infiltré dans une tribu sur la planète Pandora. Pour l'écriture du film, une vraie langue a d'ailleurs été inventée, hein, qui contiendrait, paraît-il, plus de 2000 mots. Le Navi n'est pas la seule ni la première langue extraterrestre à avoir été imaginée pour une fiction. Vous avez peut-être entendu parler déjà le Klingon dans l'univers Star Trek. Cette langue est une vraie vacherie. Mais je me dis que c'est comme le démontage et le remontage d'une arme. On répète. Navi. Nari. Nari. 5 ans avant de nous montrer au cinéma les premiers mots prononcés par E.T. qui veut téléphoner à sa maison, Spielberg réalise en 1977 une autre histoire d'extraterrestre avec rencontre du troisième type. Et ce n'est pas l'image de cette rencontre qui est restée dans les mémoires et dans l'histoire du cinéma, mais le bruit de cet échange. Le compositeur John Williams a imaginé une phrase musicale en guise de salutation. Comme si la musique était une langue universelle, comme si une mélodie pouvait être appréciée de la même façon partout dans l'univers. Dans son formidable livre « Comment parler à un alien », Frédéric Landragin explique que cette idée d'une langue universelle reste un fantasme tenace dans la science-fiction, un fantasme joliment mis en musique donc dans « Rencontre du troisième type », mais un fantasme quand même. Qu'est-ce que c'est que ce charabia ? Si on classe les films de science-fiction par discipline, « Premier contact » serait un véritable film de linguistique fiction. Il est donc, une fois encore, question de ce premier encart interplanétaire. Et comme les extraterrestres n'articulent pas beaucoup, les experts du film décident plutôt de déchiffrer leur écriture. Mais la tâche n'est pas plus facile. Et c'est une autre théorie linguistique qui sert de toile de fond au film. Notre façon de penser serait déterminée par notre façon de parler et d'écrire. Concrètement, en apprenant le langage non linéaire des extraterrestres, l'héroïne du film arrive à voir le futur. Belle idée, même si Frédéric Landragin le confirme dans son livre. Aujourd'hui, cette théorie n'est pas tout à fait d'actualité. Comme leur vaisseau ou leur corps, leur langue écrite n'a pas de direction, ni dans un sens ni dans l'autre. Ce qui soulève une question. Est-ce ainsi qu'ils pensent ? Quand E.T. parle aux jeunes garçons qu'il héberge, ils deviennent les meilleurs amis de l'univers. Quand les humains ne comprennent pas l'humour irrévérencieux des martiens de Mars Attack, la guerre éclate. On retrouve dans tous ces films la même morale, un peu naïve. Se parler, c'est le seul moyen de ne pas se battre. Encore faut-il arriver à bien se comprendre. Nous venons en paix. Nous venons en paix. Nous venons en paix. Les Martiens sont pacifiques. Un grand merci Jérémy Querenet pour ces chroniques en partenariat avec le CNES qui nous ont accompagnés tous les jeudis. Pour écouter l'ensemble des chroniques de Jérémy, rendez-vous sur le site du CNES, cnes.fr. Roland Lehoucq, le livre que vient de citer Jérémy, « Comment parler à un alien, langage et linguistique dans la science-fiction », a été édité aux éditions du Bélial, qui est dans une collection que vous dirigez, Roland Lehoucq. Et vous avez vous-même consacré un chapitre dans votre livre « La science fait son cinéma » au film « Premier contact » où vous parlez de linguistique. Alors, comment parler à un alien, Roland Lehoucq ? Alors, on n'a jamais pu parler directement, mais en tout cas, on a envoyé des messages. Quand on parlait tout à l'heure des messages pionniers, des messages voyageurs, enfin, des bouteilles à la mer, dirais-je plutôt. On n'a pas vraiment visé quelqu'un, mais quand même à deux reprises, au moins à deux reprises, et même à plus que ça, on a émis des ondes radio dans des directions très particulières. Une fois en 1974, avec le radiotélescope d'Arecibo, vers l'amas globulaire Messier 13, beaucoup d'étoiles, d'un coup, à 22 000 années-lumière, donc vous voyez, le message, il n'est pas près d'arriver. Et ouais, puis, c'est-à-dire qu'elles vont mettre 22 000 ans pour arriver. Voilà. Et si on a une réponse, il va falloir être patient pareil. Voilà, exactement. Et donc, voilà, ça va prendre un certain temps, on va dire. On a intérêt à dire des choses intéressantes. En 99, il y a deux scientifiques canadiens qui ont imaginé un message, qui s'appelle le Cosmic Call, qui a été envoyé en 99 de la base d'Evpatoria, qui était en Russie, enfin en Géorgie maintenant. Et... avec chaque fois des messages qui étaient à teneur très, disons, mathématique. C'est-à-dire, l'idée, c'est, vous avez à l'autre bout du fil, vous espérez qu'il y ait quelqu'un, vous n'en savez rien, vous ne savez pas quelle est sa cabine téléphonique et si même il tient le combiné, et si même quelqu'un est là pour tenir le combiné, donc vous voyez les circonstances, mais vous parlez quand même et vous essayez d'envoyer quelque chose qui va être compréhensible à cette hypothétique intelligence qui tient le combiné, dont vous ne savez pas ce qu'il est à l'autre bout. Mais à chaque fois, ce sont les maths qu'on choisit. Voilà, alors on part du principe que les mathématiques sont universelles et ils ne sont pas nés dans nos esprits, ils préexistent à l'humanité, les maths. Il y a l'idée, par exemple, que... si vous comptez, on peut imaginer qu'une civilisation extraterrestre va devoir compter comme on a dû compter. Peut-être ils vont étudier les nombres et qu'ils tomberont sur la notion de nombre premier. Ouais. Et que du coup, cette notion de nombre premier, les nombres sont premiers, universellement premiers, si tant est qu'on s'intéresse aux nombres. Après, on exprimera les choses, on les écrira sous forme de formules, de calculs, de théorèmes, de façon tout à fait différente des humains. Mais la notion de nombre premier ou la notion de triangle, ce seraient des notions qui sont universelles. Et donc, on se dit... C'est le cas de contact du film. Premier contact. Le contact de Robert Zemeckis de 97. Eh bien, c'est... on reçoit... l'artificialité du signal est déduite du fait que la scientifique reçoit la suite des 30 premiers nombres premiers. Donc, elle se dit, il n'est pas possible qu'une source naturelle émette spontanément 1, 3, 5, 7... Pas 9, attention, c'est pas un nombre premier... 11, etc., qu'elle émette la suite des 30 premiers nombres premiers. Donc, ils sont codés en binaire sous forme d'un message radio, de signal radio. Donc, on se dit, ça, c'est un message artificiel. Donc, l'idée que les mathématiques soient universelles, que les théorèmes, les propriétés des nombres et d'autres choses soient universelles, et que du coup, ça pourrait, si elles étaient émises, signer une source artificielle, est assez ancrée. D'ailleurs, on voit Gauss, qui s'intéressait, qui est un grand mathématicien, on l'a surnommé le prince des mathématiques, Carl Friedrich Gauss. Il s'est intéressé à cette communication, il a dit, dessinons des mathématiques, des grands triangles. D'autres, à la place des nombres premiers, disent, oui, les nombres premiers, c'est déjà un peu compliqué, mais c'est pas suffisant. On voit bien un truc vraiment compliqué, où là, on est sûr, c'est pas possible que ce soit naturel. Il proposait d'envoyer les 10 000 pages de la démonstration, de la classification des groupes finis simples. Voilà. Il l'envoie dans quel langage? Vous codez en binaire, vous codez chaque lettre, vous expliquez les codages. C'est ce qu'avait fait, alors pas ce théorème-là, mais ce qu'avait fait Dutille et Dumas, les deux physiciens canadiens qui avaient fait le Cosmic Call en 99. Ils commencent par expliquer ce qu'est le binaire, ils envoient des nombres en binaire, ils expliquent l'addition, la multiplication, et petit à petit... Ah là là. Normalement, une intelligence devrait être capable de déduire toutes les notions qui sont expliquées. Une intelligence quand même très proche de la nôtre. On imagine qu'ils ont notre logique, notre façon de raisonner. Alors, il y en a même qui ont essayé de faire un langage, de réfléchir à l'idée d'un langage universel. Un langage serait fondé sur la logique, les mathématiques et la logique formelle, l'INCOS. Et alors, les tests ont été faits du genre, j'écris un texte codé et je le soumets à un humain en face en lui disant bah vas-y qu'est-ce que j'ai voulu dire et alors, Gérard, ça marchait pas. Même entre humains ça marche pas. C'est quand même mal barré. C'est pas assuré que ça marche entre humains. Voilà, c'est ça l'idée. Suite de notre bivouac cosmique entre science et fiction à la recherche de civilisations extraterrestres intelligentes en compagnie de l'astrophysicien Roland Lehoucq qui va répondre aux questions que vous lui avez adressées dans un instant. C'était Kepler, Kepler, biche sur France Inter, le temps d'un bivouac. Sire, vous dormez ? Merde. Ah bon ? Je vais vous demander un truc. Quoi ? Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui habitent dans une autre galaxie ? Oui. Ouais, moi aussi. Et vous croyez qu'il y a des planètes où il n'y a que des chevaux, d'autres planètes où il n'y a que des furets, et d'autres planètes où il n'y a que des insectes ? Non. Ah ouais ? Moi, mon rêve, ça serait d'aller dans une autre galaxie. Quand je regarde le ciel avec toutes ces étoiles, la Voie lactée et tout, j'ai l'impression... C'est marrant que vous sentiez pas le moment où il faut s'arrêter. S'arrêter de ? De me faire chier. Ah, je suis désolé, sire. Quand je m'embarque sur l'espace... On se lève dans 3 heures, vous pouvez la fermer ? Ouais, ouais. Bonne nuit, sire. Nous, on ne s'arrête pas encore tout à fait. Nous sommes toujours en compagnie de Roland Lehoucq, co-auteur de « Où sont-ils les extraterrestres ?» et « Le paradoxe de Fermi » chez CNRS Éditions. Et Roland Lehoucq, vous avez vu s'installer deux jeunes femmes à la table de ce studio, Juliette Soudarin et Océane Théard. Bienvenue à toutes les deux. Merci. Vous avez effectué votre stage dans l'équipe du Temps d'un Bivouac pendant 2 mois et vous avez fait un travail formidable. Alors pour la dernière, vous allez vous faire le relais des auditeurs. Vous avez devant vous quelques questions qui nous ont été envoyées. Qui commence, Juliette ou Océane? Oui, c'est moi. Alors c'est Juliette. Alors je commence avec une question de Philippe qui demande est-ce qu'il faut vraiment essayer de se faire connaître en envoyant des sondes, pardon, ou est-ce qu'il faut continuer à vivre caché? Oui, voilà une bonne question. C'est une bonne question. Alors, si on prend dans la science-fiction une trilogie de Liu Cixin, un auteur chinois qui a eu un grand succès, qui est traduit en français, qui a un grand succès, qui est une excellente trilogie de science-fiction. Le deuxième s'appelle La Forêt Sombre. Et La Forêt Sombre, c'est l'idée, dans une forêt sombre, où on ne sait pas où on est, qu'est-ce qu'on fait? On la ferme ou on dit « Hello, il y a quelqu'un, où êtes-vous ?» On ne sait jamais ce qu'on peut croiser. Donc là, c'est une très bonne question. Peut-être en se signalant, on pourrait réveiller des êtres qui ne nous seront pas favorables. Ouais. Mais surtout que par le passé, ne serait-ce qu'à l'échelle de la planète, à chaque fois que des civilisations se sont rencontrées, ça s'est souvent terminé par une qui domine l'autre. Hein. Oui, à l'échelle humaine déjà, il y a eu des graves problèmes, des très graves problèmes. Donc effectivement, ce n'est pas acquis que... En même temps, la distance nous aide un peu. D'ailleurs, si on discute avec des êtres intelligents et technologiquement avancé à 20 années-lumière. On peut vite raccrocher. Sinon pas, si on raccroche, les réponses d'abord sont très lentes, premièrement. Et deuxièmement, s'ils ne savent pas se déplacer dans l'espace, ils n'ont pas de moyens de voyage interstellaire, on est plutôt tranquille. Mais c'est s'ils n'en ont pas. Oui. Océane. Alors Emma nous demande, sommes-nous seulement capables d'imaginer ce que pourrait être la vie sur une autre planète? Alors, effectivement, c'est une question difficile de savoir ce que pourrait être la vie ailleurs que sur Terre, parce qu'on est d'une certaine façon biaisé par ce que l'on constate sur Terre. Alors, on est biaisé, mais en même temps, la vie sur Terre, elle est apparue, d'abord, on ne sait pas comment, alors qu'on est sur place, ça c'est déjà encore ça reste une énigme, mais ensuite, elle se fonde sur un certain nombre de choses qu'on peut espérer, disons, universelles, des principes de symétrie, c'est-à-dire qu'on voit que les êtres vivants terrestres, pas tous, pas les éponges, par exemple, mais nous, on a une symétrie bilatérale, pas mal d'êtres ont une symétrie bilatérale, d'autres ont des symétries radiales, d'autres, etc. Donc, il y aura les conditions vont imposer, les conditions physiques, et même physiques et chimiques, vont imposer des choses qu'on va peut-être retrouver dans d'autres endroits. Après, la forme sous laquelle elle se présentera pourrait être tout à fait différente, mais on peut imaginer sur Terre, par exemple, les êtres qui ont des yeux, il n'y a pas 50 façons de faire un œil, c'est-à-dire quelque chose qui va capter la lumière du soleil. Alors, si c'est une autre étoile, la lumière sera peut-être un peu différente, mais capter la lumière du soleil et en faire une image, il n'y a pas 50 façons d'en faire, et toutes ces façons sont exemplifiées par un œil que l'on trouve sur un être terrestre. Mmh. Donc, s'il y a une étoile comme le Soleil avec une planète, entre guillemets, comme la Terre ailleurs, et que des êtres là-dessus évoluent et développent des yeux, on peut imaginer que d'une façon ou d'une autre, leurs yeux fonctionneront sur des principes qu'on a déjà vus sur Terre. Ils ne vont peut-être pas avoir la même forme, ils auront peut-être des couleurs différentes, ils auront peut-être des êtres autour qui seront différents, mais il y aura des invariants d'une certaine façon. Après, il y a une grande marge de manœuvre, évidemment. Allez, une autre question, Juliette. Alors, c'est Glantine qui pose une question plutôt historique. Pourquoi la culture populaire parle de petits hommes verts et de soucoupes volantes? Ah oui. Ils viennent d'où, ces petits hommes verts? Alors, les petits hommes verts, j'avoue que je ne sais pas, je ne connais pas la réponse. Je me suis posé la question aussi et je n'ai pas de réponse définitive. C'est peut-être lié que je ne connais pas bien, à ce que le vert représente comme couleur, du point de vue symbolique. Et aussi, c'est peut-être aussi évoque les elfes ou les êtres, les créatures boisées, enfin tous ces êtres merveilleux qu'on mettait dans les bois. J'avoue que je ne connais pas la réponse à les petits hommes verts. On a le temps pour une toute dernière question, la réponse. Joris, est-ce possible que ma vie sur Terre soit d'origine extraterrestre? Que la vie sur Terre. Alors c'est une question qui est posée, on ne connaît pas la réponse. Il est possible que deux choses se soient produites, mais on n'en sait pas du tout la réponse. Le un, c'est que la vie soit apparue ailleurs que sur Terre et était importée sur Terre, ce qu'on appelle l'hypothèse de la panspermie, qu'elle soit apparue sur Mars par exemple et qu'au rythme d'une collision martienne, il y a des objets qui de Mars arrivent sur Terre et importent des bactéries. Ça, on n'en est pas sûr du tout, pour dire le moins. Deuxième chose, c'est pas la vie pour le coup, mais les briques de la vie, les briques élémentaires, les acides aminés ou d'autres briques élémentaires de la vie qui se soient formées dans l'espace, sur des comètes ou des astéroïdes et qui est à l'époque du grand bombardement, quand la Terre était encore sous l'effet de la chute de matière qui venait du système solaire en fin de formation, eh bien, qu'il y a eu certaines briques élémentaires qui soient venues de l'espace. Merci Roland Lehoucq et merci Océane et Juliette d'avoir passé ces 2 mois avec nous et d'avoir pris les questions des auditeurs pour cette dernière. C'était un plaisir de vous avoir dans l'équipe pendant ces 2 mois. Vous avez fait un travail formidable. Roland Lehoucq, Je rappelle le titre de votre livre, Où sont-ils les extraterrestres et le paradoxe de Fermi, aux éditions du CNRS. Et je vous présente notre invité de la deuxième heure. Il s'est assis à côté de vous, Olivier Blaise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, mais aussi grand voyageur. Vous avez publié L'art de la marche aux éditions Albin Michel, un livre dans lequel vous racontez ce tour du monde à pied, à votre rythme, que vous avez entamé en 2010, à raison de un mois par an. Et nous verrons où en est ce projet aujourd'hui. Et puis si vous comptez réellement terminer ce tour du monde, on peut en douter en lisant votre dernier ouvrage, Les Aventures de Poche, dans lequel vous défendez l'idée que l'on peut vivre de véritables aventures à deux pas de chez soi. Nous allons donc prendre le temps avec vous d'avancer pas à pas et de réfléchir au sens de la marche avec vous, Olivier Blaise.